Aujourd'hui, pour une heure d'émission, c'est l'été et c'est pas Jean-Pierre qui me contradira. D'ailleurs, il en a fait son billet d'humeur, ça promet. Donc bonjour tout d'abord. Bonjour, moi je suis liquéfiée par cette chaleur. Oui, moi je suis dégoulinante. Eliane, bonjour. Bonjour Irène. Les Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors tu sais que, vous savez que la présidente a déclaré le plan canicule, hein, donc c'est slip de bain et puis Marcel. Ah. Pour tout le monde, hein. Mais déjà pour commencer. Ça ne nous empêche pas de dégouliner si on est en slip de bain et Marcel. On l'a espéré, il est enfin arrivé, c'est l'été. Aujourd'hui, donc... petite incursion dans l'univers des livres jeunesse avec un livre de John Boyne, un auteur irlandais, Le garçon en pyjama rayé. Ensuite, Jean-Pierre nous présentera son coup de cœur de la semaine, 6 mois, 6 jours, c'est un minimum, 6 heures peut-être. de Karine Thuil. Ensuite, Eliane nous a déniché des charades à tiroir et des citations célèbres pour notre plus grand plaisir. Et c'est Eliane qui va s'y coller pour le polar du jour. M, au bord de l'abîme, le dernier polar de Bernard Minier. Et puis nous terminerons par quelques menus conseils de sortie. Mais je pense qu'il est plus que temps de nous tourner vers Jean-Pierre qui souhaite nous parler de l'été. Si je peux. Oui, parce que ton état où tu es avec cette chaleur. Oui, bah, l'été est arrivé, vous le... Hein, on le voit bien. C'est indéniable. Hein, c'est l'été. Depuis le 21 juin, officiellement, c'est une date fréquente, le 21 juin, mais ce n'est pas l'unique. Ça non. peut arriver le 22, ça peut arriver le 19, enfin c'est très très compliqué. Ah, ce n'est pas toujours à la même date. Ah non, non, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous savez, le calendrier, ça ne correspond pas avec la complexité astrale et l'année calendaire. Mais c'est les équinoxes quand même. Oui, mais enfin, l'année calendaire ne correspond pas pile poil à la rotation de la Terre, voyez-vous. Parce que la Terre tourne autour du Soleil. Ah, il paraît, oui. Et là, elle est pile poil devant, là. Et alors, ouais, la Terre, elle s'en fout complètement du calendrier, qu'il soit grégorien, chinois, révolutionnaire, elle s'en tape. Elle gravite penchée amoureusement vers son maître, hein, selon un balai bien cadré en forme d'ellipse. Telle une ballerine sur les pointes, elle tourne sur elle-même. Mon Dieu. Tout en parcourant l'immense scène, chaque fois qu'elle s'éloigne au maximum... C'est un solstice. Quand elle penche son pôle nord vers le soleil, c'est l'été de la mer de Kara à l'équateur. Et quand elle offre le sud, eh bien, c'est l'embrasement de la terre de feu. C'est pas mal ça. Ah oui, oui. Il est pas mécontent de sa formule. Bah, pour célébrer l'été sous nos latitudes depuis bien longtemps, les feux de Saint-Jean sont allumés. Les premiers sautent les braises. La nuit la plus courte s'offre aux fêtes campagnardes. Bon, depuis 1982, la fête de la musique contribue à la célébration, musique que souvent certains confondent avec décibels. Mais ça, c'est une autre histoire. Le 21 juin, la nature est une créature à son apogée. Elle glisse alors inéluctablement vers sa mort. Ah ! Certes, certes. Ce déclin offrira encore de belles semaines. Oui. Mis à profit par les vacanciers. Ce qu'elle est belle, cette nature, quand déjà au petit matin, elle se pare de files interminables de véhicules surchargés qui bouchonnent pour s'acquitter du péage qui leur permettra de rejoindre la côte ou sur les grèves désertes l'hiver. Un touche-touche de serviettes multicolores tranche sous des peaux blanches aspirant à rougir de bonheur. Les randonneurs de la montagne, de leur côté, cherchent la marmotte, enfin réveillée. Chacun exploite au mieux ses quelques jours de repos reliés quand même aux habitudes. Parle Dieu, téléphone. L'été, c'est le temps de tous les possibles, de tous les espoirs, de tous les souvenirs, bons ou douloureux. Ainsi, les amours de vacances apportent leur lot d'émotions, des mois et de peines souvent passagères, quand l'automne s'annonce. L'été, c'est aussi le temps difficile de ceux qui ne partent pas. Sauf peut-être pour les amoureux de Paris au mois d'août. Balayé par septembre, notre amour d'un été à Charles. L'été, la faim est moins tenace. Les oiseaux snobent vos miettes de pain et la boule de graisse racornie oubliée. Ils sont nombreux, les artistes, à avoir magnifié l'été ou à s'en être simplement inspirés, chanteurs, peintres, metteurs en scène. L'été meurtrier, l'été de la Saint-Martin, l'été indien, l'été en pente douce, la femme à l'ombrelle de Monet. Les tubes de l'été apportent souvent la fraîche niaiserie de paroles sans cesse recommencées. Les romans de l'été se dégustent sur la plage ou au bord d'un étang après un pique-nique. Ah, ces repas champêtres, quand à peine la couverture dépliée et la salade piémontaise servie dans des assiettes en carton, une guêpe énervée surgit, excitée par l'odeur de jambon, puis deux, puis dix. Ne fais pas de grands gestes, Titi, c'est comme ça qu'elle vous pique. Et ce soleil qui tourne et vous fait perdre l'ombre avant même d'avoir entamé le camembert, déjà liquéfié car oublié sur la glacière. Que de merveilleux souvenirs qui me faisaient préférer l'hiver et ses repas confortables. C'est tout cela, l'été, sans doute bien d'autres choses omises. Le yo-yo est envoûtant, les jours s'allongent à n'en plus finir. Je rêve souvent à Kirkenes, cette ville norvégienne où le jour ne se lève pas de décembre et janvier et où la nuit se refuse la moitié de l'été. Là-haut, le Père Noël prépare ses rennes. Quand l'été du Grand Nord se terminera, il embrayera directement sur l'hiver. J'allais dire ça sent le vécu, mais la fin, un peu moins quand même. Ah, les joies de l'été. Merci Jean-Pierre de nous les avoir rappelées. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Lola a épousé Bruno parce qu'il dansait bien le rock au camping des Flots. Bruno a épousé Lola, poussé Super Lolo et son petit air à Bardot. Marie a dit oui à son psy, même si sur son divan elle pleurait pour Alex. Le psy qui est un homme esquis l'a épousé en blanc dans une robe en Kleenex. Aussi haut que le bonheur se perche, tu trouveras ce que tu cherches. Aussi long que le chemin te semble, pour que deux cœurs se ressemblent. L'amour est le plus fort, l'amour est le plus fort. L'amour n'a jamais tort, l'amour est le trésor. François a épousé Lucien parce qu'il avait besoin d'un bon électricien. Lucien a trouvé chez François le petit je ne sais quoi qui défie toutes les lois. Samy, qui n'aime que le trombone, a craqué pour Ramon qui lui joue du violon. Ramon qui en fait toujours des tonnes, a tellement oui je donne mille feux aux partitions. Aussi haut que le bonheur se perche, tu trouveras ce que tu cherches. Aussi long que le chemin te semble, pour que deux cœurs se ressemblent. L'amour est le plus fort, l'amour est le plus fort. L'amour n'a jamais tort, l'amour est le trésor. Freddy, Freddy, a flashé sur Maïté. N'y vois qu'à moitié ce qui arrange bien Freddy. Maïté, Maïté, bien sûr lui a dit oui. Est-ce qu'il est dit et dit, surtout dans le non-dit. Ah, Dieu pour Abdel et ses cornes de gazelle qui lui offre au marché. Abdel lui trouve Lorine très belle puisqu'elle leur donne des ailes et qu'ils peuvent s'envoler. Et toi, tu es tombé sur moi qui faisais bien le poids puisque je suis marteau. Et toi qui me mets tout en joie et dès que je te vois, je frissonne de toute ma peau. Que le bonheur se perche, tu trouveras ce que tu cherches. Aussi long que le chemin te semble, pour que deux cœurs se ressemblent. L'amour est le plus fort, l'amour est le plus fort. L'amour n'a jamais tort, l'amour est le trésor. L'amour est le plus fort, l'amour n'a jamais tort, l'amour est le trésor. L'amour est le plus fort. L'amour n'a jamais tort. L'amour est le plus fort. Lisez jeunesse. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un livre jeunesse. Mais c'est un livre que l'on peut lire avec ses enfants, que l'on peut partager. Et croyez-moi, je ne me suis pas du tout ennuyée en lisant ce livre, Le garçon en pyjama rayé. Donc c'est un livre qui a été écrit par John Boyne, qui est un auteur irlandais, qui écrit également des livres adultes. Et donc ce livre se présente comme une fable. Il y est question d'un garçon de 9 ans qui s'appelle Bruno et qui vit à Berlin avec ses parents et sa sœur. Son père est militaire, il en est très fier, donc c'est une famille qu'on qualifierait de bourgeoise. Et puis un jour, en rentrant de l'école, il voit la bonne en train d'empaqueter ses affaires. Il se pose des questions et il apprend ainsi que la famille doit déménager. Et donc, quelques semaines plus tard, il se retrouve dans leur nouvelle maison. Alors cette maison, elle n'a rien à voir avec celle de Berlin. Elle est beaucoup plus petite. Ils ont 5 étages à Berlin, là ils n'en ont que 3. Et puis surtout, il n'y a pas de ville autour. La maison est vraiment isolée. Et Bruno commence à regretter Berlin, ses amis. Il se demande avec qui il va pouvoir jouer, pas avec sa sœur parce que c'est une peste. Elle a 12 ans, c'est-à-dire 3 ans de plus que lui. Mais ils ont un peu du mal. Et puis donc, Bruno, lui, il rêve d'être explorateur. Donc il décide d'explorer les alentours. Et donc la première chose qu'il fait, c'est regarder par la fenêtre avant de descendre. Et donc, il voit de drôles de choses. Et il va alerter sa sœur, il va la voir et il lui dit « Mais tu as vu les gens qu'on voit par la fenêtre ? Il y a des enfants. » Je vous lis un extrait. D'abord, ce n'étaient pas des enfants, du moins pas tous. Il y avait des petits et des grands garçons, des pères et des grands-pères. Des oncles aussi peut-être. Et parmi eux, quelques individus qui vivaient seuls au milieu de tout le monde et n'avaient pas l'air d'avoir la moindre famille. Ils auraient pu être n'importe qui. C'est qui ? Demanda Gretel, bouche bée, à l'image de son frère ces derniers temps. C'est quoi cet endroit ? Je sais pas, dit Bruno, qui s'efforçait de rester au plus près de la vérité. « Mais ce n'est pas agréable, comme Berlin, ça c'est sûr, » ajouta-t-il. « Et où sont les filles ?» demanda-t-elle. « Et les mères ? Et les grands-mères ? » ?»« Bah, peut-être vivent-elles ailleurs, » hasarda Bruno. Gretel acquiesça. Elle se refusait à regarder, mais ne pouvait s'en empêcher. Tout ce qu'elle avait vu jusqu'ici, c'était la forêt, du côté de sa fenêtre. Une forêt sombre, mais sans doute un bon endroit pour pique-niquer, pour peu qu'il y eût des clairières plus loin. En revanche, de ce côté-ci de la maison, la vue était radicalement différente. Cela s'amorçait plutôt bien par un jardin qui commençait sous la fenêtre de Bruno, finalement assez grand et plein de fleurs plantées dans des carrés de terre soigneusement délimités qui donnaient l'impression d'être entretenus par un jardinier méticuleux, conscient d'accomplir quelque chose de positif en faisant pousser des fleurs dans un endroit pareil. quelque chose de positif, comme allumer une minuscule bougie dans un immense château sur une lande perdue dans la brume par une sombre nuit d'hiver. Environ 6 mètres après le jardin, le paysage changeait du tout au tout. Une immense barrière métallique, dont le sommet se recourbait vers l'intérieur, s'étirait sur toute la longueur de la maison et au-delà, à droite et à gauche, à perte de vue. C'était une très haute clôture, plus haute que la maison où il se trouvait actuellement, jalonnée de gigantesques piquets en bois, comme des poteaux télégraphiques, pour la faire tenir debout. Elle était coiffée d'énormes rouleaux de fil de fer barbelés qui s'emmêlaient en spirale, et quand elle vit les pics acérés qui les hérissaient, Gretel ressentit une douleur inattendue. Donc ce que les enfants sont en train de découvrir, c'est en fait un camp de concentration. On comprend assez rapidement, nous lecteurs, de quoi il s'agit. On comprend que le père de Bruno est le commandant de ce camp. Les enfants, eux, ne comprennent pas. Ils voient simplement quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'ils connaissent. Ils décident que c'est peut-être une ferme, que c'est la campagne, et que bah, tous ces enfants qui ont le droit de se balader en pyjama rayé toute la journée, ils ont drôlement de la chance, parce qu'eux, ils sont obligés de s'habiller. Et donc, Bruno va partir en excursion, il va longer cette barrière, et un jour, il va finir par rencontrer un garçon de son âge, d'ailleurs en discutant ils vont se rendre compte qu'ils sont nés le même jour, donc, mais qui lui est de l'autre côté de la barrière. Il s'appelle Shmuel et les deux garçons vont d'abord se parler et puis ils vont sympathiser. Donc Bruno, lui, il ne comprend pas ce qui se passe de l'autre côté et le garçon essaie de lui expliquer, de lui raconter sa vie, qui il est. Mais ils ont du mal à se comprendre. Enfin, ils se comprennent comme deux enfants, mais Bruno, il ne sait pas ce que c'est qu'être juif. Donc quand Shmuel lui dit bah, « je suis là parce que bah, je suis juif », il ne comprend pas. Et puis, il y a quand même une chose que Bruno comprend, c'est qu'il vaut mieux ne pas parler à ses parents de cette rencontre. Et donc, une amitié va se lier entre les deux. Et c'est vrai que c'est très touchant de voir comment deux enfants qui sont de part et d'autre de la barrière, hein, c'est le cas de le dire, vont réussir à se sentir liés par une profonde amitié. Et donc, pour découvrir la suite, je vous laisse lire ce livre, donc qui s'appelle « Le garçon en pyjama rayé » de John Boyd. Mais alors, je vous préviens tout de suite, vaut mieux pas le lire sur la plage, parce que c'est pas quelque chose, un livre qui fait du bien. C'est au contraire un livre qui interroge, parce que même si le héros du livre, les deux héros du livre ont 9 ans, eh bien, ils nous posent beaucoup de questions. Et d'ailleurs, j'ai lu un deuxième livre de ce même auteur, de la même veine, qui s'appelle « Le garçon au sommet de la montagne ». Et très curieusement, le héros de ce deuxième livre va croiser des personnages du premier, mais juste les croiser. Et là encore, c'est un enfant de 9 ans, mais lui, il a une vie complètement différente de celle de Bruno. Il s'appelle Pierrot, il vit à Paris, mais son père est autrichien, sa mère est française. Et puis par les hasards de la vie, les accidents de la vie, son père meurt, sa mère malade meurt également. Il se retrouve dans sa famille autrichienne. Et il se trouve qu'il est donc recueilli par sa tante, qui est la gouvernante d'un personnage historique qui habite un nid d'aigle. Ah, ça me dit quelque chose. Voilà, et donc cet enfant, lui, va être en contact direct avec Hitler, qui va le prendre en affection et on va voir les ravages que ça peut faire. Donc vraiment, c'est un auteur. D'ailleurs, Eliane, tu nous avais présenté un livre, mais qu'il a écrit pour adultes. Oui, il y a dont quelques... je ne me souviens plus du titre. qui se passait en Irlande, puisque c'est un auteur irlandais, l'histoire d'un enfant adopté. Et donc, ce premier livre a été traduit dans une trentaine de pays. Il a vraiment été beaucoup apprécié. Il a reçu des prix. Et ça vaut le coup. Et ça vaut surtout le coup de le partager avec vos enfants. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose que... Bon, c'est dans la collection Junior, hein, Folio Junior. Je peux vous dire que ça vous prend aux tripes. Le garçon en pyjama rayé et le garçon au sommet de la montagne de John Boyne. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux triangulier avec un cœur gros comme ça. Il est tombé par terre, c'est la faute à votre père. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et bon caractère, c'est la faute à votre père. Je suis un va-nu-pied, mais nul le pied va quand même. Je prends ce qui me plaît pour payer pas de problème. Je fais des pieds de nez aux marchands et à leur dame. Et pour te rattraper, il leur faut plus d'agenda. On me connaît partout de clients courts à Belleville. Je suis aimé partout, sauf par les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance menu du prochain repas. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. On est les Anglais, c'est la faute à Voltaire. Et ben t'as pas les os, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas de clair, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. J'y ai tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas de clair, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Six jours, et Jean-Pierre va nous en parler sans siffler. C'est pas moi qui sifflais, je faisais juste du playback. Ah, d'accord. Je me disais bien aussi que tu n'avais pas suffisamment d'énergie. Bon, déjà un court préambule à propos de la famille Kant. Q-U-A-N-D-T. Ah, c'est pas le même alors. Q-U-A-N-D-T. C'est pas le Kant. Avec un K. Ben, ça sera avec un K, mais c'est pas lui. Ben, bref. Ne cherche pas à savoir avant. La famille Kant, très riche famille allemande industrielle. Populaire. Pour avoir racheté BMW en 1959. En sauvant la prestigieuse marque de la faillite. La famille Kant est très discrète sur son passé. Mais elle finit par le dévoiler... et dévoiler l'origine de sa fortune, du moins sa fantastique expansion. Günther Kant, Q-A-N-D-T. Dès le début des années 30, utilise les liens que lui procure son ancienne femme, Magda, devenue Madame Goebbels. Fourniture intensive de matériel pour l'armement, propension à reprendre des entreprises confisquées aux nouveaux indésirables. Günther et son fils Herbert réussiront les épreuves d'après-guerre sur la respectabilité. Le livre « 6 mois, 6 jours » nous conte l'aventure, peut-être imaginaire, peut-être pas, d'une Juliana Kant, K-A-N-T, petite fille d'un Günther Kant, Günther, K-A-N-T, riche industriel allemand, contexte à peine voilé. Et Juliana est la plus riche héritière d'Allemagne, c'est là son titre principal. Très réservée, très élégante, elle est mariée par convenance. Elle n'a rien créé, elle est héritière comme d'autres sont ouvriers, artisans. Sa fortune présente, et surtout à venir, fait partie d'elle-même. On a la condition que l'on doit avoir. Mais dans sa vie, il va se passer un événement important qui va tout bouleverser. Elle va rencontrer un dénommé Herb Braun, séducteur, de talent. Et tous ses principes vont voler en éclats. Et pour lui, elle va être prête à tout. Nous me verrons, voilà, comme la semaine dernière, j'étais avec une prête à tout, il y a 15 jours, je ne sais plus. Et on a beau être la femme la plus riche d'Allemagne, on peut tomber dans les pièges les plus sordides. Ah, oui. Et c'est ce qui va lui arriver. Et le livre est construit comme une longue confidence à une journaliste. Rappelons que les Kant, Q-U-A-N-D-T, ont fait la lumière sur leur passé à la suite d'une enquête journalistique très circonstanciée. Cette confidence romanesque des Kant, K-A-N-T, émane d'un vieux majordome fidèle depuis toujours à la famille. Servir ou mourir, hein. Certes, très bien rémunéré, l'homme est prêt à tout pour protéger ses maîtres, jusqu'à ce qu'on le jette, parce qu'il ne peut plus servir, comme ces vieux chiens diminués conduits chez le vétérinaire. Le merveilleux amant Herb Braun s'est donné 6 mois, 6 jours pour faire chuter Juliana dans les secrets de fabrication de son immense fortune. Pourquoi 6 mois, 6 jours ? Pourquoi 6 mois, 6 jours ? Je m'en souviens plus. Des épigraphes émanant des membres de la famille Kant, K-A-N-T, émaillent chaque chapitre. Je vous en cite quelques-unes. Chaque famille a ses secrets, sa part d'ombre, mais dans la nôtre, il n'y a pas de linge sale à laver. Ah. Axel Kant a son porte-parole pendant une partie de tennis. Je refuse de me trouver dans une situation où je devrais me justifier, voire m'excuser d'appartenir à ma famille. Le même Axel Kant à son avocat. Pourquoi me sentirais-je coupable ? Je n'étais pas né. Toujours Axel Kant. Je suis allé à l'école normale, j'ai reçu une éducation normale, nous sommes des gens normaux. Juliana Kant a une amie. Et avant chaque court chapitre, c'est ainsi. Les gens puissants, voyez-vous, résistent bien à tout, même à l'inconcevable. Que vaut le fait d'avoir fermé les yeux sur l'horreur pour s'enrichir quand votre disgrâce déséquilibrerait l'économie florissante ? Quand ils se disent innocents, je suis prêt à parier qu'ils sont sincères. Alors je vais vous lire quelques passages du livre, parce que c'est ce qui vous donnera mieux le ton. Une épigramme un peu plus longue. L'après-guerre fut une période terrible. Les alliés cherchaient des coupables. La dénazification était en marche et avec elle la chasse aux sorcières. De bons Allemands étaient soudain accusés d'avoir collaboré avec l'ennemi. Des fiches étaient placardées sur les murs des villes en ruine. Qui est coupable ? Je me réfugie en Bavière, Philippe à Hanovre, bien qu'innocent, nous fûmes mis sur écoute. En 1946, je fus arrêté et incarcéré quelques mois au camp de prisonniers de Mosbourg. Mais mon dossier fut classé sans suite. Il n'y avait aucune preuve contre moi, J'avais fait mon travail honnêtement et c'est tout. Günther Kant. J'ai le temps encore de lire un petit peu. Hein. Merci. C'est le dénommé Karl qui va vous parler maintenant, l'ancien homme à tout faire de la maison Kant. Pendant des années, j'avais été l'un des hommes les plus influents, le dépositaire des secrets de la famille. J'inspirais crainte et respect, haine et envie. Ça m'excitait d'être jalousé ainsi, détesté, peu importe, j'existais. Le personnage incontournable affublé de surnoms ridicules qui trahissaient ma puissance et mon flegme. Le pape, le sphinx, le parrain, c'était moi. Oui, pendant des années, avec les chiens autour, j'avais été là à les blanchir. Et avec quel résultat? Ouvrez les archives, montrez les photos, toujours là à rôder, à remuer la boue. Les loups, j'avais dit avoir le beau cliché représentant la famille en première page, les plus grands quotidiens internationaux, avec ce titre en caractère gras, scandale, chez K et S. Avoir Juliana tenir son journal en pleurant de colère et de honte, et moi derrière, toujours là à nettoyer, gratter, effacer. Pourquoi? Pourquoi? Alors je raconterai tout. J'ai pensé, oh, pas pour l'argent, depuis l'affaire on m'a bien proposé des sommes à triple zéro. J'ai tout refusé. Pas par scrupule, non, je n'en ai plus. Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai aucun goût pour le luxe. J'aime les films d'auteurs, les grands classiques, les œuvres d'art. Tout cela est accessible gratuitement. Quant à mon goût pour les putes, je l'assouvis de moins en moins. Et toujours en promotion. Non, j'ai décidé de raconter cette histoire par ambition personnelle. Je rêve de voir mon nom imprimé sur la couverture d'un livre. De l'orgueil, bien sûr, mais chacun a de droit à son heure de gloire, non ? Mais alors, qu'est-ce qui va lui arriver à notre Juliana Kant ? Parce qu'on parle de la famille, mais elle y est pour rien, la pauvre. Elle y est pour rien, non. Est-ce qu'elle est au courant d'abord de... Oui, parce que tout le monde est au courant, en fait. Mm-hmm. Hein, parce que de toute façon, ils se sont expliqués. Oui, elle est au courant. Bon, elle n'est pas responsable de la fortune qui lui tombe entre les mains, non, c'est sûr. Mais elle n'était pas obligée de l'accepter, c'est ah, ça. Ah, j'y suis. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va lui arriver que... Il va lui arriver que... Que Herb Braun, c'est pas quelqu'un de bien non plus, et que il va lui demander des choses assez chères pour se taire. D'accord. Voilà. Un maître chanteur. Oui, mais un maître chanteur organisé qui a bien préparé son coup, pas un amateur. D'accord. Voilà, je vous en dis pas plus parce non, que... Non, il faut absolument le lire. Donc, 6 mois, 6 jours de Karine Tuile. Et c'est un livre que l'on trouve dans l'excellente bibliothèque Les Jacobins. Bien sûr. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. C'est pas vraiment cool ce que tu fais. Tu joues dans mon dos et tu le sais. Même ton numéro est masqué. Ce qui fait toujours me demander quel est ton rôle, maman, dis-moi qui t'es. Chaque fois tu mens, tu te fais acquitter. T'es plus la même, non la même que t'étais. Tu disais je t'aime et là tu veux me quitter. Tu disais je t'aime et là tu veux me quitter. Tu disais je t'aime et là tu veux me quitter. Je veux m'en aller, je veux partir. Peu importe tant qu'il fait chaud. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Je veux m'en aller, je veux partir. Peu importe tant qu'il fait chaud, yeah. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Au revoir, au revoir, au revoir. C'est même pas la peine que tu viennes ici. Je t'ai laissé le vide et les clés aussi. Tu veux revenir, ce sera pas possible. J'ai besoin d'oxygène et tu m'asphyxies. T'as beau me texter mais ça sert à rien. J'aime ce que t'étais parce que tu deviens. J'ai bien pensé, plus jamais je reviens. Je t'ai pardonné mais dans le fond je retiens. Je t'ai pardonné mais dans le fond je retiens. Je t'ai pardonné mais dans le fond je retiens. Je veux m'en aller, je veux partir. Peu importe tant qu'il fait chaud. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Je veux m'en aller, je veux partir. peu importe quand qu'il fait chaud, yeah. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Je veux m'en aller, je veux partir. Peu importe tant qu'il fait chaud. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Je veux m'en aller, je veux partir. Peu importe tant qu'il fait chaud, yeah. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. La vie comme elle va. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour notre plus grand plaisir, Eliane nous a concocté une rubrique. Aujourd'hui, pas à piquer des hannetons. Oui. Des charades à tiroir. Et pour finir, des citations oui, célèbres. Oui, que j'ai trouvé sympa. Oui. Alors, avant de vous parler des charades à tiroir, je ne peux pas résister au fait de vous en donner une. Normal. Mon premier est un rongeur qui travaille avec sa queue et qui n'a rien pour s'asseoir. Mon deuxième est un rongeur qui travaille avec sa queue et qui n'a rien pour s'asseoir. Mon troisième est un rongeur qui travaille avec sa queue et qui n'a rien pour s'asseoir. Et mon toit est une importante valeur géométrique. Jean-Pierre, tu ne dis rien parce que je te l'ai raconté tout à l'heure. Donc c'est le chiffre pi, parce que pi c'est 3 14 116, c'est-à-dire 3 castors sans chaise. Bien. Alors, elle est fière d'elle. J'adore, j'adore, j'adore. Dans la charade à tiroir, la syllabe ou le mot obtenu depuis chaque définition n'est que le début d'une succession de calembours bâtissant un enchaînement sémantique délirant. Évidemment, la solution est quasi introuvable sans y passer des mois. Mais le plaisir de la découverte est énorme, comme celui de sa création. Un art de grands auteurs. Victor Hugo a excellé et plus récemment, Luc Étienne a relancé le genre avec brio. Exemple. Doucement, hein, vous allez peut-être trouver. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Ah. Mon second est la cinquième note de la gamme. Mon tout transporte princes et princesses. Bien sûr. C'est carrosse. Mais pourquoi ? Parce que A vaut K. On est d'accord ? Ah oui. Mon second est rose parce que sol fait rhino et que rhino c'est rose. Voilà, donc ça fait carrosse. La deuxième est pas mal non plus. C'est Luc Étienne, c'est un bel hommage qu'il fait. Mon premier va ça et là. Mon second est employé des postes. Mon troisième ne rit pas jaune. Mon quatrième n'est pas rapide. Mon tout est le plus célèbre auteur de charades à tiroir. Donc c'est bien Victor Hugo, mais pourquoi ? Écoutez ça. Vic, parce que Vic R, hein ? Et ça va de ça et là, Vic R. Mon second est Thor, car Thor est facteur. Thor est facteur, d'accord ? Mon troisième est U, car urinoir. Mm-hmm. Mon quatrième est Go, car Go est lent. Mm-hmm. Et mon tout est donc Victor Hugo. J'adore. C'est capillotracté quand même. Très. Et alors, là, une petite dernière, c'est Victor Hugo. On va terminer par la plus belle des charades à tiroir. Je vous dirai après pourquoi. Mon premier est bavard. Mon deuxième est oiseau. Mon troisième est chocolat. Mon tout est un délicieux gâteau. C'est une très belle charade à tiroir, puisque elle n'a pas de tiroir. Puisque la réponse est bavard, oiseau, chocolat. Bavard, oiseau, chocolat. Il a pris les trois derniers mots. C'est drôle, non ? Moi, j'aime beaucoup. Ça me laisse perplexe. Si vous dites que c'est une charade à tiroir, comme Victor Hugo l'a écrite en disant que c'est une charade, tout le monde se alors qu'il n'y avait rien à trouver là, quoi. Ouais. Juste prendre les derniers mots. Non, ça ne vous a... Non, d'accord. Bon, On est un peu diminué par le temps. Alors, quelques phrases d'auteurs célèbres. De Musset, par exemple, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, vous vous souvenez, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. de Nerval. La mélancolie est une maladie qui consiste à voir les choses comme elles sont. De Vigny. Condamnés à la mort, condamnés à la vie, voilà deux certitudes. Hugo, que reste-t-il de la vie, excepté d'avoir aimé? C'est sûr. Alors maintenant, je vais vous parler de Flaubert. Il faut, si l'on veut vivre, renoncer à avoir une idée nette de quoi que ce soit. L'humanité est ainsi. Il ne s'agit pas de la changer, mais de la connaître. Réfléchissez à ça. Mais qu'est-ce que l'histoire, dit Monsieur Dumas père, un clou auquel j'accroche mes romans. Balzac, le comptoir d'un café et le parlement du peuple. C'est pas mal ça, hein? Stendhal, le meilleur régime politique est la monarchie absolue tempérée par l'assassinat. De Hugo, la vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. Un petit dernier, de Zola. Le romancier est fait d'un observateur et d'un expérimentateur. Voilà. Alors Jean-Pierre nous en a trouvé une très bonne de Coluche. C'est vrai ? Oui, absolument. Oh bien écoute, oui, je vais te la donner. Je suis capable du meilleur comme du pire, mais dans le pire, c'est moi le meilleur. Ah bah oui. Et la deuxième ? À la deuxième, je la vois pas d'ici, tu la vois ? Moi non plus. Ah, c'est pour ça que je voulais que c'est peut-être la bonne taille pour un homme, c'est quand ses pieds touchent par terre. C'est peut-être celle-ci, non ? Non, c'est pas celle-ci. Ah, attends, j'aime bien celle-ci. Mais les amis iront la voir sur le site, puisqu'elle est sur le site. Hein, elle est sur le site, mais même avec les lunettes, j'arrive pas à la voir. Oui, on est loin des écrans. Hein. La deuxième, hein, Eliane, celle du bas. Oui, bah oui, c'est trop petit. Voilà. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et c'était lui le soleil qui faisait nos réveils chaque matin. Et la mer était belle et nous courions vers elle main dans la main. Et puis nous marchions sur la plage, tu cherchais des coquillages comme un enfant. Les mettant à mon oreille pour entendre, je me rappelle l'océan dedans. Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Je grondais quelquefois lorsque tu ne mangeais pas, ce n'était rien. Et l'on s'allongeait sur le sable, nos rêves étaient semblables, je me souviens. Nous parlions de la maison, des enfants que nous aurions, et nous étions bien. Soleil, je t'aime. Et pour toujours, tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi? Et c'est toujours lui le soleil qui fera mes réveils chaque matin. Il voit les amours passer et les chagrins. Combien faudra-t-il de plages, combien d'autres visages pour comme toi oublier la maison et l'enfant aux cheveux blonds que nous n'aurons pas. Soleil, je t'aime. Et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Attendez une minute. Tu ne connais pas les membres de ma famille. Tu n'as pas idée de quoi ils sont capables. C'est monstrueux. Côté polar. Eliane, qui a peur de rien, va nous entraîner au bord de l'abîme avec M. Qui est M ? Eh bien, M, c'est Monsieur Ming. Je vais vous dire, voilà. Donc, bienvenue à Hong Kong. Ville tentaculaire, fantastique, affolante, où tout est possible, même l'impossible. Le livre commence par le suicide de Carrie Lowe, qui travaillait à Hong Kong. Elle enjamba la barrière de verre, mouvement que son pantalon de smoking facilita. Des cris s'élevèrent derrière elle. Quelqu'un, un jeune Américain, il s'élance vers elle. Il serait certainement arrivé. Mais de toute façon, il n'a pas eu de chance. Comble de malchance, il dérapa sur le tapis, détrempé, nez à genoux en terre, sa ridicule perruque blonde glissant et révélant un crâne pour le moins dégarni. Puis il se releva, donna un coup de rein et repartit de plus belle. Il avait été Lion Baker à l'université, au moment où elle avait déjà un talon de 8 cm dans le vide. 32 étages. Elle tourna la tête et considéra le jeune Américain aux larges épaules et aux yeux fous, sa bouche peinte en rouge, ouverte sur un cri qui se ruait vers elle comme il l'avait fait naguère pour aller plaquer les running backs adverses avant qu'elles aient franchi la ligne des 10 yards. Elle fit un pas de plus, cria à son tour. Quand elle sentit le vide sous ses pieds, l'irrésistible aspiration de la chute, l'air fouettant ses joues et ses vêtements, quand elle vit les lumières défiler à toute vitesse et le sol qui approchait bien trop vite, elle hurla. Carrillo crut entendre en réponse une clameur, d'autres cris au-dessus d'elle, mais le vent sifflait bien trop fort à ses oreilles. Voilà. Ça commence très bien. Ensuite, on a Moira Chevalier, qui est une Française, qui arrive à Hong Kong. Elle va travailler chez Ming Incorporated. Elle va aller de surprise en surprise, parce que lorsqu'elle arrive déjà, ce qui est bizarre, c'est qu'elle va prendre un taxi, et dans ce taxi, elle va trouver le chauffeur de taxi va lui dire, il y a un téléphone, il y a une tablette, tout au nom de M comme Ing, et quand elle appuie sur le bouton, elle n'en revient pas. Son estomac se crispa et tantinait quand elle alluma l'objet d'une pression de l'index, parce que le chauffeur lui a dit, allumez votre tablette. Comme si par ce simple geste, elle s'engageait dans un processus irréversible. Et en somme, n'était-ce pas le cas ? En acceptant ce poste, elle savait qu'elle avait fait prendre à son existence un tournant décisif. L'écran s'illumina, elle connut un premier ébranlement. Le fond de l'écran était constitué d'une mosaïque d'images, des paysages, des portraits, des selfies. Sa mère et elle en vacances à Quiberon, des photos prises en Thaïlande, à New York, au Mexique, en Bretagne. Toutes les images qui lui étaient parfaitement familières. C'est normal, c'est elle qui les avait prises. Elles provenaient toutes de la mémoire de son téléphone. Pendant une fraction de seconde, elle fut incapable de penser à quoi d'autre. C'est pas possible. L'esprit en prend un chaos de questions. Elle n'eut cependant pas le loisir d'y songer plus avant, car un message était déjà affiché. « Salut, je m'appelle Lester, je dirige le département d'intelligence artificielle chez MIG Incorporated. Merci d'ouvrir ce lien ci-dessus. » Et ce qui est épouvantable, c'est que MIG Incorporation, ils font des trucs. Ils ont créé, pas un ordinateur, mais une série qui s'appelle Deus, D-E-U-S, qui fait tout, qui sait tout, qui... Voilà. Et quand elle va avoir son premier rendez-vous avec Monsieur Ming, l'écran est tellement grand qu'elle a l'impression que le monsieur est là, mais non, c'est... Voilà, tout est... Et ce qui l'affole le plus, quand même, c'est quand elle croit que tout est fait pour que les gens n'aient même plus à penser. On leur dit ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est épouvantable, épouvantable. On se dit, d'ailleurs, elle se dit, mais comment ça, ils connaissent tout, mais tout d'elle, même ses musiques préférées, la façon de s'habiller, ce qu'elle préfère manger. Elle se dit, si jamais il y a un jour un truc, et justement un jour, Deus dit, parce qu'elle peut parler avec cette chose, lui dit, il faut absolument remettre la peine de mort, il faut absolument interdire l'avortement. Elle se dit, là, ça va beaucoup trop loin. Parce que qu'on dise des choses, mais qu'on impose aux gens un truc qui vient d'un robot, enfin d'un, ça devient très... Et parallèlement à ça, elle est suivie. Elle a les policiers qui essayent de lui demander des choses bizarres. Elle ne comprend pas. Et puis, il y a eu des femmes qui ont été tuées de manière atroce. Et toutes, elles travaillaient chez Ming. Hein? Et puis surtout, quand les policiers ont fait l'autopsie de la fille qui s'est jetée du 32e étage, ils ont trouvé dans son cerveau des connexions. Ils ont trouvé sur sa poitrine une boîte noire. Voilà. Vous voyez que ça devient... Et alors, on est pris par ce truc. C'est absolument incroyable, mais vraiment incroyable. Parce que, bien sûr, Moïra, elle commence à douter de... Est-ce que c'est vraiment bien ce qu'ils font ? Mais elle est très, très, très, très bonne en informatique et tout ça. Et c'est pour ça, je vais vous lire là, page 95... Imagine un agent conversationnel qui aurait la réponse à toutes les questions. Continua la voix vibrante. Qui te connaîtrait bien mieux que tu ne te connais. Deus sera capable de te dire si tu dois sortir avec Pierre ou avec Jacques, parce qu'il saura que Jacques te fait rire alors que Pierre te rend triste. Même si tu es le plus attiré par Pierre que par Jacques, il saura que tu dois travailler dans la banque ou dans l'informatique. Vous voyez, tout ça. Accepter cet emploi, en chercher un autre. Parce que Deus aura tout noté jour après jour et contrairement à toi, n'oubliera rien. Il ne sera jamais fatigué de t'entendre, de te conseiller, de te guider. Et si ça continue, tu verras, tu ne pourras plus te passer de lui. Alors, entre ça et puis l'enquête policière, je vous assure que ce livre, il est fascinant. C'est un gros livre, hein, un très gros livre. Il a 530 pages, 540 pages. Mais on ne peut pas le lâcher, je vous assure qu'on ne peut pas le lâcher. On voudrait savoir ce qui va se passer après, toujours. Et surtout, qui est cet affreux criminel qui tue les femmes d'une manière épouvantable. Pour vous dire que ce monsieur Ming, il est très très très riche, très très très puissant, qu'il est très esthète, qu'il a beaucoup de tableaux, et qu'il y en a un qu'il adore. C'est le martyr de Saint-Sébastien, avec ses trucs... Hein. C'est pour vous donner un petit truc, comment sont tués. Un petit indice. En tout cas, bien sûr, c'est un gros livre, mais cet été, il est un peu lourd pour aller sur la plage. Mais il est très, très, très bien. Alors, tu sais que les grands esprits se rencontrent parce que Marc Duguin vient de sortir un bouquin qui s'appelle Transparence. Et c'est à peu près la même chose. Enfin, il est question... de recréer des êtres à partir de toutes les informations que l'on a sur eux, que l'on recoupe, et donc on est capable de les recréer à l'identique. Et donc ça garantit une sorte d'immortalité. Et c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que il y a des tas d'infos. Alors, on s'imagine à l'ancienne qu'on est observé par quelqu'un. Non, on n'est pas observé par quelqu'un. On est enregistré par un ordinateur, analysé par un algorithme. Et tout ça se fait indépendamment des êtres humains. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Moïra, comme elle est très forte et qu'elle a le droit de questionner Deus à chaque fois, elle a compris que si elle détourne un petit peu la question, ça va un petit peu le perturber, elle arrive à avoir des petits éléments de ce qu'elle cherche. Mm-hmm. Parce qu'elle a compris que c'était vraiment, comme tu dis, avec tous les comment ça s'appelle les algorithmes. Les algorithmes, il fallait essayer de trouver une faille. Mm-hmm. Et alors, ceux qui travaillent avec elle et qui ont commencé à comprendre des choses, comme par hasard, il meurt. Alors, tu sais que tu peux demander à ton comment ça s'appelle, ton hébergeur, enfin bref, celui qui te permet d'avoir internet, tu peux lui demander d'avoir accès à tout ce que l'on sait sur toi. Et c'est une journaliste qui l'a fait. Sur les 6 derniers mois, elle a demandé à avoir les renseignements qui était disponible sur elle sur internet, et on lui a envoyé 800 pages. D'accord. Et il y avait tout dedans. Ah non, mais là c'est... Tu envoies un mail, c'est pas anodin. Tu écris quelque chose ou tu. Tout ça, c'est possible d'être compilé. Et c'est vrai que ça a un côté inquiétant. Très, très, très. Parce que Big Brother, c'est un ordinateur, c'est un algorithme, c'est pas un être vivant. Donc tu te dis, ça va être dur de le convaincre, hein, au moindre pépin. Alors au début, j'ai eu peur que ça soit un peu toujours les ordinateurs, des trucs. Mais non, non. C'est vraiment écrit à la portée. On est très inquiet parce qu'effectivement, on pense, si jamais cette petite Moïra, qui est très douée en informatique, découvre déjà sur sa tablette et sur son téléphone, parce qu'elle est obligée de prendre ce téléphone, le sien, il faut qu'il dégage. Et déjà, comment cet homme qui est à Hong Kong sait tout ce qu'il y avait sur son téléphone, qui est, alors qu'elle était à Paris, ça a déjà commencé à lui vriller l'estomac. Hein. Alors, donc, si vous voulez vous faire peur, vous pouvez lire cet été M au bord de l'abîme de Bernard Minier, que vous recommande effroyablement Eliane. Peur avec le pavé recommandé par Eliane, ou quand vous aurez fini 6 mois 6 jours de Karine Thuil et que vous aurez lu les 2 livres de John Boyne, vous aurez peut-être envie de sortir, ce qui est parfaitement légitime. Donc je vous propose 3 rendez-vous. Le premier se tiendra le samedi 29 juin de 10h à 19h au théâtre d'Orléans. Il s'agit de Rendez-vous Compte, le festival du livre de l'enfance. Donc c'est ce Rendez-vous Compte revient chaque année. Là, c'est la 5e édition. Et ce festival a pour ambition de promouvoir la lecture et la culture auprès des jeunes enfants. Donc il y aura des stands de libraires avec des dédicaces d'auteurs et des illustrateurs. Il y aura des ateliers créatifs avec différentes associations. Il y aura des spectacles musicaux et une exposition autour de la littérature jeunesse. Et une calèche sera mise à disposition pour vous transporter de la place de la République au théâtre d'Orléans. Où vous serez accueillis pour cette journée dédiée à la lecture et à l'écriture qui est entièrement gratuite. Jean-Pierre, le deuxième rendez-vous, c'est le 30 juin. Le dimanche 30 juin à 16h30 au château de Chamerol à la Halle, je ne sais pas comment l'appeler, enfin, c'est un petit peu, ça fait partie du château de Chamerol. Il y a un concert organisé par l'association Courir pour Curie. Et participe à ce concert la batterie fanfare de Loury et l'harmonie intercommunale Florissant. Donc c'est dimanche 30 juin. Et puis vous pouvez d'ores et déjà noter dans votre agenda la date du 6 juillet. C'est le jour où se tiendra le Flori Livre, place de la bascule, de 10h à 20h. C'est organisé par deux associations, Chapitre 2 et Manao Manga. Ce sera à l'ombre des tilleuls que ces deux associations vous donnent rendez-vous. Vous profiterez de cette journée pour choisir les livres qui partiront avec vous en vacances. Donc c'est un marché aux livres à petit prix, mais que des livres en bon état. Et puis c'est surtout des contes pour les petits et les grands, des verres à boire, un arbre à livres, des ateliers pliage, des jeux d'écriture, bref, des mots à foison et pour tous les goûts. Donc c'est Place de la Bascule le 6 février de 10h à 20h. Le 6 juillet. Pourquoi février? Parce que t'as chaud. J'ai envie qu'il fasse froid. Non, pardon, pardon, c'est le 6 juillet. Place de la Bascule, Florilivre. Voilà, c'est tout pour les conseils de sortie. On se retrouve dans une semaine pour la dernière émission de la saison. Si on n'a pas fondu jusque-là. Non, mais je pense que ça va aller. Et donc, d'ici là, on vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes sorties. Bye bye. Et la musique, hein. Damned, c'est vrai, j'ai oublié de demander à Jean-Pierre. Je l'avais mis au frais. De citer les musiques d'aujourd'hui. Écoute, on a eu deux petits Québécois. Il s'appelle Francky et il s'appelle Sahel. Et puis on a eu, bien sûr, la chanson de Gavroche, sortie des Misérables. Et puis un joli duo, celui de Françoise Hardy et d'Alain Souchon, Soleil, Soleil. Voilà. Je n'ai rien oublié d'autre. Absolument pas. Dire au revoir si, à tout le monde. Si, tu me dis au revoir. Bye bye à tous, à la semaine Salut prochaine. Tout le monde. Ação da atleta portuguesa. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz que o aditamento apresentado hoje pelo PS só resolve